s'appelle Hug, on vient de Saint-Symphorien. C'est leur premier concert à Troyes, on est très contents. Ouais! On va vous faire une petite reprise. Thank you. cordes de guitare pour pouvoir jouer sur la guitare de Jérôme. On continue tout de suite. Il doit nous rester deux ou trois morceaux, ça va durer 4-5 minutes à tout casser.